À l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'armée populaire de Corée, les délégués du peuple ont visité les unités de l'armée populaire de Corée. Ils ont transmis aux militaires les présents du dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Les délégués ont participé avec les militaires aux cérémonies politico-culturelles variées consacrées au 25 avril.